Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le drame du San Juan, le sous-marin argentin dont on a perdu la trace le 17 novembre 2017 à 430 km de la côte argentine. Qu'est-ce qui peut causer la perte d'un sous-marin ? Des vagues hautes de 7 mètres. Sous une pluie diluvienne, ce sont les conditions météo au large des côtes d'Argentine, alors que les recherches se poursuivent pour repérer le sous-marin porté disparu depuis 6 jours. 14 navires, 10 avions sont mobilisés en permanence et toujours rien. Hier, il y avait eu un espoir, des bruits enregistrés par des navires, mais la déception est venue un peu plus tard. L'empreinte acoustique ne correspond pas à celle d'un sous-marin, cela peut être un bruit biologique. Le président de la République est venu hier pour s'informer sur place de l'état des recherches. Il a également rencontré des familles. Si le sous-marin est encore immergé, il ne lui resterait qu'une journée d'oxygène. Les recherches, malheureusement. Alexandre Sheldon-Duplay, vous êtes chercheur au service historique de la Défense. Vous avez publié 2 ouvrages sur l'histoire des sous-marins, le dernier aux éditions ETAI. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur le San Juan ? Alors le San Juan, c'est un sous-marin diesel électrique, donc c'est un sous-marin à propulsion dite conventionnelle, c'est-à-dire qu'en plongée, il est propulsé par ses batteries électriques, et lorsqu'il est en surface, il fait fonctionner ses moteurs diesel pour recharger ses batteries électriques. Donc ce que l'on sait d'après les derniers communiqués, c'est que, alors qu'il y avait une très mauvaise mer, probablement, il y a eu une induction d'eau, il y a eu de l'eau qui est rentrée dans le tube d'air que l'on appelle le snorkel, et ce tube d'air, c'est lui qui permet justement d'alimenter ces moteurs diesel. Et alors, lorsque le sous-marin est tout près de la surface, et cette eau qui est rentrée, apparemment, a causé par réaction chimique un début d'incendie dans les batteries électriques qui se trouvaient sur l'avant du sous-marin. Alors ils ont déconnecté ces batteries et ils ont continué à naviguer en plongée. Donc ils ont envoyé un message à l'état-major argentin, message qui a été divulgué, et après le sous-marin n'a plus répondu. Et on a donc détecté cette explosion qui a été révélée plus tard. Donc on peut présumer, mais évidemment on ne le sait pas, on peut présumer qu'il s'agit d'une explosion qui est liée au dégagement de gaz, puisque vous avez des dégagements d'hydrogène si vous avez de l'eau de mer qui est mis en contact avec ces batteries électriques. Est-ce que c'est un accident qui vous surprend, Alexandre Sheldon-Duplay ? Je peux pas dire que ce soit surprenant, dans le sens où les sous-marins sont par définition des machines d'une part très complexes, qui opèrent dans un milieu très hostile, et qui donc impose aux équipages d'être extrêmement bien entraînés, extrêmement bien préparés, et l'accident est toujours possible. Et si vous regardez l'histoire des sous-marins depuis les origines, vous avez eu énormément d'accidents, mais vous avez eu également de très grands progrès dans le domaine de la sécurité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les accidents sont quand même relativement peu nombreux. Mais vous avez, je dirais, eu énormément d'accidents avec des causes très différentes, puisque vous avez différents types de sous-marins. Vous avez les sous-marins à propulsion nucléaire, d'une part, et puis vous avez ces sous-marins dits conventionnels avec cette propulsion diesel électrique. Puis vous avez aujourd'hui une autre catégorie qui sont les sous-marins à propulsion anaérobie, où par une solution chimique, on permet le renouvellement en fait de l'air en plongée. Et cette technologie anaérobique qui existe en différents modes que je ne vais pas détailler est elle-même potentiellement risquée et source d'accidents qui heureusement n'ont, en tout cas ne se sont pas produits récemment, mais qui se sont produits lorsqu'il y a eu les premiers essais de ces technologies anaérobiques dans les années 1940 et dans les années 1950. Dans le cas du San Juan, serait-ce la première fois qu'il y aurait un accident par voie d'eau, plutôt intrusion d'eau dans le Schnorchnell? Non, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu dans le passé des accidents liés à cela. vous avez un clapet normalement qui doit fermer le snorchel si la vague arrive sur le snorchel. Et puis vous avez également aujourd'hui normalement une petite grille qu'on met au sommet de ce tube d'air pour pas qu'un objet, voyez, s'introduise et bloque le clapet, voyez. Mais dans le passé, vous avez eu plusieurs accidents similaires. J'ai en tête un accident qui s'est produit sur un sous-marin américain qui patrouillait le long des côtes soviétiques au tout début de la guerre froide et qui s'appelait le Cochino, qui était un sous-marin diesel électrique comme le San Juan et qui a coulé au large de la mer, donc dans la mer de Barents. Bon, par chance pour lui, il y avait un autre sous-marin avec lui qui a pu sauver l'équipage. Mais vous avez... Comment peut-on sauver l'équipage d'un sous-marin ? Alors, la procédure normale, c'est de remonter à la surface immédiatement. Ce qu'apparemment le San Juan n'a ou n'aurait pas pu faire, on n'aurait pas eu le temps de faire. Peut-être que c'est à cause des très mauvaises conditions météo que même à la suite de son incident, il a préféré rester en immersion puisqu'il a dû penser que les autres batteries pouvaient toujours fonctionner correctement. Mais normalement, la procédure, c'est de remonter à la surface tout de suite. Et bon, c'est ce qu'avait fait le sous-marin Cochino. Et le sous-marin était venu donc lui porter secours, mais le sous-marin avait coulé. Et vous avez, je dirais, toutes les marines ont subi, je dirais, ce type d'accident. Même la marine française a eu deux accidents terribles en 1968 et 1970 avec la perte donc de la Minerve et de l'Eurydice, et même si on ne sait pas les causes exactes, il a été supposé que c'était peut-être par induction d'eau dans le tube du snorchel. C'était une des possibilités, en particulier parce que un autre sous-marin de la même classe, qui s'appelle la Sirène, a eu ce type d'incident en 1970 également, vous voyez. Donc c'est un accident qui s'est déjà produit. Est-ce que ça signifie, Alexandre Sheldon Duplay, qu'un sous-marin est extrêmement vulnérable s'il doit refaire surface et avec de la mer démontée? Je parle de la vulnérabilité en temps de paix. Donc, est-ce qu'il est capable de naviguer avec une forte mer? Alors, normalement, il doit pouvoir refaire surface et le fait que la mer démontée ne doit pas trop l'affecter. Le plus grand risque quand le sous-marin refait surface, c'est qu'il lui arrive de ne pas savoir exactement s'il n'a pas un bateau au-dessus de lui. Parce que le champ de détection de ses senseurs, on pourrait dire un angle mort, et il peut, et c'est arrivé assez souvent, faire surface sous un autre bateau. C'est une des explications qui est citée, peut-être pour l'Eurydice, par exemple, et c'est un accident qui s'est produit, il y a un SNA français, il y a une quinzaine d'années, a eu ce type d'incident. Vous avez eu un sous-marin américain plus récemment qui a également fait surface sous un bâtiment dans le détroit d'Ormuz. Donc ce sont des accidents qui arrivent. On a évoqué le manque de moyens de la marine argentine. Est-ce que, selon vous, il pourrait y avoir un lien de cause à effet entre cet incident et la manière dont le bâtiment n'a pas pu faire face à donc cette hypothèse? Alors, bon, effectivement, si on regarde la situation de la marine argentine, elle a connu des difficultés, mais je dirais qu'elle n'est pas la seule dans le monde à avoir connu des difficultés et des accidents. Hein. Mais effectivement, il y a eu, il y a 10 ans, l'incendie du brise-glace argentin. Vous avez eu, il y a 3 ou 4 ans, un destroyer qui était en réserve, qui a chaviré. Donc là, très clairement, il n'était pas convenablement entretenu, mais bon, ce bateau était considéré aussi comme désarmé. Là, la presse s'empare de l'affaire, et je dirais, la presse prétend qu'on n'aurait pas renouvelé les batteries et qu'on aurait choisi de juste moderniser les batteries existantes et que peut-être que ça pourrait être une source, mais bon, je dirais que c'est très prématuré maintenant de le dire, mais je dirais que le problème des batteries, le problème de la ventilation, le problème de la bonne qualité des batteries reste constant sur les sous-marins. Est-ce que cet incident est de nature à mettre en cause l'utilisation de sous-marins ? Oh non, je dirais pas du tout. Il souligne juste le fait que le sous-marin, un peu comme l'aviation, est extrêmement exigeant. Et si vous regardez l'aviation depuis la catastrophe des Açores il y a assez longtemps, la collision de deux avions parce qu'il y avait eu une hésitation dans l'équipage de l'un des deux avions, eh bien, toutes les procédures ont été revues avec un degré d'exigence beaucoup plus poussé. Et dans le domaine des sous-marins, je dirais que c'est un peu la même chose. Si vous prenez le premier accident qui a affecté un sous-marin nucléaire américain en 1963, La conclusion qui a été immédiatement tirée, c'était qu'il fallait revoir absolument toutes les procédures de construction pour valider chaque pièce d'une manière avec une traçabilité. Et l'effort qu'ont consenti les États-Unis a fait qu'ils n'ont plus eu ensuite d'accident lié en tout cas à la propulsion nucléaire. Pourquoi ? Parce que cet incident était lié à quoi ? Eh bien justement, cet accident c'était lié à la rupture d'un des tuyaux qui servait au refroidissement du réacteur. Et vous avez eu ensuite... on le présume, puisque le sous-marin a coulé. Donc c'est le dernier message qu'il a envoyé. Mais les États-Unis à ce moment-là ont engagé un programme qui s'appelait le programme SubSafe. Et ce programme, j'irais, a porté ses fruits. C'est-à-dire que les problèmes qu'ont rencontrés les sous-marins américains ensuite, c'était des problèmes de navigation, c'était des collisions avec d'autres sous-marins. C'était un jour, pour vous montrer que le milieu est hostile, où un sous-marin américain est rentré à pleine vitesse dans un pic sous-marin qui n'était pas reporté sur les cartes. Uh-huh. Et bon, il a réussi à faire surface, et il y a eu des blessés, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul mort. Mais c'est pour vous montrer la dangerosité de toute façon de l'activité en elle-même. Mais on a réussi, en particulier dans la marine américaine, à pousser très loin le degré de sécurité. Et je dirais que dans la marine française, on a suivi le même chemin à la suite des accidents de l'Eurydice et de la Minerve. Et aujourd'hui, l'entraînement, la formation des personnes est une formation extrêmement longue, extrêmement poussée. Vous voyez, il faut à peu près 12 ans pour former ou plus pour former un commandant de sous-marin nucléaire d'attaque. Il faut le double pour former un commandant de sous-marin nucléaire lance-engin. Il faut 12 ans pour former l'officier marinier qu'on appelle le maître de centrale, qui donc a la responsabilité de toute la conduite du sous-marin et qui sait tout sur la situation du sous-marin à un moment donné pour son équilibre, la situation de ses ballasts. Je dirais que c'est par la formation très poussée des hommes et des hommes qui, je dirais, répondent au motto « tous pour un pour tous ». C'est-à-dire que sur un sous-marin, tout le monde dépend de tout le monde et de l'action de chacun. Donc il y a cette conscience qui fait qu'on peut justement relever ce défi du risque. Mais c'est un risque qui est constant. A-t-on une chance de retrouver l'épave du San Juan ? Alors, comme vous le savez, le San Juan a coulé apparemment à la lisière donc du talus du plateau continental. Donc, si il a coulé par 150 ou par 200 mètres, les conditions auraient été bonnes pour plonger sur lui. Si le sous-marin a coulé à plus de 1000 mètres, ou même à plus de 600, 700, 800 mètres, là, on pourra peut-être retrouver l'épave, mais le sous-marin aura très probablement implosé. La coque n'aura pas résisté. Donc c'est cette limite qui est liée à la profondeur et qui varie évidemment selon les sous-marins, selon la construction des sous-marins, selon les matériaux employés. Mais ce sous-marin, le San Juan, ne résisterait probablement pas à plus de 700 ou 800, je m'avance, mais mètres de profondeur. Merci Alexandre Sheldon Duplay. Je rappelle que vous avez notamment publié une histoire des sous-marins avec l'amiral Maté aux éditions ETAI. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer, a été gâché par Pierre Faucillon et mal réalisé par Jean-Christophe Francis. Superfell.